La nuit quand la journée moi qu'a cherché connaître. Cherché pour moi connaître ça qui fait moi arriver là. Ça qu'a fait trop longtemps moi là moi à genoux. Derrière le même mauvais et moi envie crier. Où tu m'as qu'a souffert si la terre, où tu sais pas changer. T'es que besoin, tu vois l'amour en fait en moi. Et puis tout ça m'a qu'est plaisir. Passons à pleurer. Pour tu m'as qu'à souffert, si la terre, pour tu ça pas changé. T'es que besoin, tu vois tendresse, sans pas à tuer moi. Tu vois l'amour pour soulager, moi envie de prier. Me direz-vous peut-être que je suis mal appris, mais c'est vrai que j'ai omis de le présenter. Il se nomme Dieu Saint et le prénom César, tout à fait ordinaire et sans publicité. Non, il n'est pas seul, il fait pas du cinéma, il est toujours fauché quand il ne le faut pas. Tout cela pour vous dire et pour faire allusion à son petit nom caché qui n'est que Sylvester. Hey girl, give him some love, please. Si la tête pour qui m'a qu'à souffert.